un tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bien beau, ces mocassins là! Ben, c'est certainement très beau, puisque ça a été fait avec des escarelles fourmis. Pardon? Tu parles de quoi? Mais je te parle! Oh, merci! Merci de me parler, tu es très gentil, très sympathique! Tu ouvres très bien une émission, j'ouvre et je ferme. Oh, c'est comme la porte. Je la claque. Oh, la porte? Oui, et les émissions? Je les introduis. Je les admire, j'aime bien m'y retrouver. Et ce soir, heureux de vous entendre. Vous entendez qui? Ben, j'entends à rire. Et surtout, avec ces mocassins, vous ne pouvez pas prétendre. Je peux prétendre, oui, je sais, tu peux n'importe où, n'importe laquelle. T'es un individu louche venu d'une extravagance intellectuelle qui plaît à un certain public. Très très, très restreint. Oh! Et puis là, et bien, puis c'est maintenant le temps de te raconter l'histoire de mes mocassins. C'est pour ça que j'entends pas les gens arriver. Ben, les gens, je sais pas, mais moi, Ticu Baudouin. Oui. Tu m'as pas vu? Non. Tu m'as pas Louis? Hein? Louis, non, je le connais pas, Louis. Non, c'est Ticu Baudouin, mais Louis, ton oreille a pas syntonisé des pas. Pas vraiment. Oh, pas vraiment. C'est bon, ça. Merci, ça, c'est de l'humour. Ah, de l'humour abstrait. Oui, c'est comme des toiles de Picabia. Picabia, c'est pas abstrait, ça. Picabia, c'est le grand qui était ami d'Andy. Andy, laisse-moi dire. Andy, j'avais des caricettes, mais je les ai données aux chiens. Andy, dis-moi oui, Andy, dis-moi oui cette fois-ci. Andy se rend, Andy se soucie. Oui, l'histoire des mocassins en est faite avec des excréments de fourmis. Arrête donc ça, c'est dégueulasse. Mais c'est la vérité. Tu veux qu'on masque la vérité? Tu veux que l'on commette? Comme un peu partout dans les médias, le mutisme médiatique. Mais là, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend peut-être de ta vision des choses. Là. Tu veux que je dise que c'est fait avec des ossements hindous venus de Sibérie, portant d'un pays que l'on ne connaît pas encore, jusqu'à temps qu'un certain homme monte. Un certain homme. Moi, je connais le sternum, mais le certain homme, ben ça, c'est juste à côté, hein. Il y a le certain homme, le petit homme, le pipam-pam-pam, mes bouts, et mettre à bout avec les bouts, c'est bambou. Bambou, l'ancienne femme de Serge. Celle qui a été oubliée dans certaines biographies de Serge. En fait, on a évoqué... excusez-moi, j'ai... Avec des. Si vous, ouais, mais les gens nous regardent quelquefois aussi au niveau du site internet de Errance Rénaldienne. Ils vont remarquer que j'ai l'œil qui dégouline. Et je ne pleure pas en parlant de bambou, là, parce qu'elle m'a refusé de me rencontrer. C'est parce que j'ai des allergies. Et on donne souvent ce verdict à plusieurs recettes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, on utilise le fait qu'on a des allergies à plusieurs raisons qui ne sont pas vraies. Par exemple, excuse-moi chérie, je sens peut-être la vodka, c'est parce que j'ai des allergies. Mais c'est quoi le lien entre la vodka et les allergies? Ben, c'est parce que pour faire fuir tous les acariens et toutes les acariennes de vont chanter, vont mourir, se ruiner. Excuse-moi, ma chérie, je me sens encore comme au bar irlandais d'hier au soir. Ils m'ont enfermé dans ce bar-là, ma petite amour de que j'aime et que je vais épouser. Tu m'épouseras pas, toi, ben, s'il te plaît. J'ai de l'argent. Ah, oh, ben, peut-être que je vais t'épouser. J'ai beaucoup d'argent. Ah, oh, je t'aime, mon chéri. Ah, je suis... Ah, ben, voilà. Et donc, là, c'est ça, c'est des allergies et nous sommes en pleine saison. Les saisons de pluie de juillet tombent dans mes yeux. Que deux tombent de la poule. Où est le coq? Dans le vinaigre. C'est quoi ça? C'est... Excuse-moi, arrêtez, monsieur. Vous connaissez pas ça, le téléphone prépare? Non, je connaissais le téléphone errant. Et depuis quelques années, même si on veut chercher le fil, parce que, ben oui, avec les cellulaires, il n'y a pas de fil. Pas de fil. C'est du Blu-ray? Non, ça, c'est DVD. Il y a DVD, Blu-ray. Ouais, c'est quoi les... c'est Bluetooth. Bluetooth. Ma petite toutoune, je t'aime. Toutoune, ma grosse toutoune. Ma grosse toutoune, mange des grosses patates, ma grosse toutoune. T'as pas de poutine, ma grosse toutoune. T'aimes ça? Toutoune. On a plus à aimer. Renal aime ça des grosses toutounes. Ah, c'est ma grosse toutoune. Hé, voyons donc, toi, ben non, je me reconnais même plus. Je vais te dire, pourquoi j'ai mentionné ça? On va faire un montage censurel, puisqu'on va m'acclamer de prolétaire graveleux, de sociétaire incarneux et de vieux schnock cérébreux. Ça raconte pas l'histoire des mocassins faits avec des excréments de fourmis. Arrête-toi ça. Non, j'ai pas perdu, moi, là. J'ai rien trouvé. C'est pour ça que c'est silencieux. Lorsque vous construisez la semelle, parce que ça, c'est avec du bois que vous gossez lentement, avec amour, en lui disant « Je t'aime ». À chaque fois que vous dites « Je t'aime », vous enlevez une épaisseur. Comme ça, elle se sent retirée avec amour. Et ça huile votre prochain morceau de bois. En mode « Je l'aime, ça huile, je l'aime, ça huile, je l'aime, ça... » Et là, ça devient glissant, puis ça s'arrête. Ça veut dire que ses mains s'assouaient. Une fois que ses mains s'assouaient, madame, vous prenez vos fourmis. Je vous conseille 15 millions de fourmis pour faire un mocassin. Parce que là, si vous regardez à la loupe l'excrément de fourmis, ça en prend un petit péché. Mais ça ne sent pas, ça ne se sent pas, puisque c'est petit. Mais quand ça s'accumule dans un même arrivage, pourquoi pas dire tôt? Ben, arrivage, parce que tôt, ça fait dégueulasse, là, mais dans cette osmose de choses, de muqueux, de glaise. On va dire de la glaise. Les gens vont apprécier glaise. Avez-vous ça de la glaise, monsieur? Oh, ouais. Ben oui. C'est comme une structure molle que l'on peut malaxer. Oh, ouais. Ben oui, comme Alain Bachung, la chanson malaxe. Oh, ouais. Vous connaissez le verbe malaxer, monsieur? Oh, ouais. Je ne vais pas terminer votre éducation littéraire. Ah ouais, ben oui, c'est ça. Non, je me fâche avec lui parce que moi, l'ignorance m'amène dans des sillons tout à fait orageux. Là, vous allez me dire, ben oui, après l'orage, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, s'il fait soleil, mais lui, ça n'a pas l'air un gars brillant, écoutez-le. Ah non, c'est noir. Plus de noir que ça, ça devient trop clair. Hein, petit clair Richard? Bon, OK. Une fois que la semelle est listée, là, tu places en petit mouton de fourmis autour de ton squelette et vous modelez le pied. Par exemple, je vais demander à Mme Nicole Kidman, qui joue dans Stanley Kubrick. Elle a un pied tout aussi beau que son visage à l'époque de l'oiseau. Parce qu'après ça, je la reconnais plus. Je suis perdu, c'est comme... Ah oui, c'est ça. Et moulant ce pied, je m'exerce à certaines créations et de fleuriture. Je me dis, ce pied-là, cette petite orteille, ce petit pied. Je malaxe pour en arriver à une œuvre. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y en faut deux. Ben oui, après ça, je fais un moule puis je place l'autre là-dedans. Puis je vends ça 175 $ le mocassin. La paire, c'est bien sûr 2 fois 175. Rapidement, ça fait comment? 350. Plus taxes. C'est uniquement la taxe québécoise, parce que l'autre, on ne la prend pas. Elle n'est pas de rigueur. Oh! Adjugé. Monsieur le Président, c'est pas trop catholique. Mesdames les voluptés, ça sent pas, hein? Non, je te dis, non, vous mettez un vernis pour étouffer la senteur. Lorsqu'elle retire, comme la cendrillon, son doux pied de ce petit escrement de fourmi. Dont la senteur croyez-vous atteindre en reniflant cette œuvre d'art? Non, vous vous trompez. Bon pied ne pue pas. Les pieds pu dans le ciel orange. Azouine, ils ont la lurette. Les pieds pu dans le ciel orange. On se demande, est-ce que c'est Saint-Laurent qui pue ou ses pieds? C'est le pied qui pue dans le ciel orange. Laurent? Là, foule le pied dans le Saint-Laurent. Foule le pied dans le Saint-Laurent, mon Laurent, tu l'auras ton âne. Hein? On peut pas? Sans, oui, encore là. On sent ça, ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, Laurent, foule pied, Laurent. Foule pied, foule camp. Bon. Monsieur le Président, mesdames les poitrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaltienne. Ça, c'est sérieux, là. Pour un doux moment, cette année question. Tous les jours de la semaine, toi, tu me réponds en oh, en. Oh. Je n'ai pas de soucis à me faire. Tu connais le mystère. Moi, les mystères qui roulent ramassent ma bousse. La bousse de fourmis. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme qui est Fring! Et monsieur, moi j'ai glissé dans la fourmi. Fring! Rénal de Lenéant gagné. Fring! Hello! Allô, Gaétan Bosselet? Avez-vous rentré un but hier? Avez-vous. Ouais, c'est ça. Vous jouez plus au hockey, vous, monsieur Bosselet? Attendez, vous jouez plus au. Oh, j'allais dire, vous jouez plus au but. Jouez-vous encore au but, monsieur? Ah, ouais. Vous vous interrogez, hein? Sur votre avenir précaire. Précaire n'est pas votre avenir, c'est votre intelligence qui l'est. Ah, monsieur Prépu, on vous aime. Vous êtes choyé de toute. Vous avez un fan club, vous, hein? Monsieur? La ligne est mauvaise. T'as-tu payé le compte, Gaétan? Tu m'as dit, donne 25 cents. Et on doit 250$, donne 25 cents. Ils vont nous couper en direct. Ben, qui nous coupe? Ben, voyons, qui nous coupe? Qui nous coupe l'aurait cru, monsieur? Avez-vous des moyens financiers pour nous éponger? Et on a besoin d'être épongés, s'il vous plaît. C'est comme Louis Armstrong. Connaissez-vous le trompettiste, Louis? C'est A Wonderful World. Si vous êtes un abruti, là, Good Morning Vietnam. Bon, ben, le gars qui chante, là, Wonderful World, ça c'est Louis. Imaginez-vous, la semaine dernière, j'ai parlé de Louis Armstrong. La personne m'a dit, c'est celui qui joue du saxophone! Saint-Tabarnouche. Heureusement que j'étais dans un quartier mal famé intellectuellement, psychologiquement, économiquement, où ment souvent. Ben, elle ne ment pas, elle ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas mentir. Il faut un minimum d'intelligence pour mentir, là. Quoique je connais des abrutis qui savent très bien le faire. J'ai la liste ici. On va les nommer. Tiki Baudouin. C'est pas moi. Ben oui, c'est toi. Voyons donc, on t'a accusé. Bon. Jocelyne Babine. Oh, Jocelyne Babine. Elle se croyait en dehors de tout soupçon jusqu'au moment où, lorsqu'on l'a piqué ou comment ça, du collagène pour gonfler sa babine, elle, innocemment, elle a dit « Je veux la babine de Nicole! » Ah. Oui, elle n'était pas parisienne, mais elle aimait bien ça. Là, le médecin, platricien, comment? Platicien. Ah, il était plate. Oh. Il n'y avait aucun numéro, ce gars-là. Là, il s'est dit qui? Ben oui, Nicole la Babine. Il connaît la Babine. Je connais j'autant la Babine qui est rentrée dans la mine. Il est rentré dans le petit qui va du rien. Là, mais je comprends pas, mais tu comprends pas, c'est normal, on t'a mis du collagène au niveau de la deuxième cervelle. T'es comme la vache, toi, t'as pas quatre estomacs, t'as deux cervelets. Un très, très mince et l'autre presque inexistant. Le deuxième a pété, le premier va s'en vient dans quelques minutes. Là. Avant la fin de l'émission, ça risque de faire... revenant de rigon, moi... excusez-moi. Voici donc. Excusez-nous. On a des rigons. Il y avait deux abrutis. Ah ouais, ah ouais, Je suis fier de rester là-bas. Ben oui, je connais qu'ils sont fiers de rester dans notre absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. C'est de l'humour. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné. J'ai vu deux étrangers, tu viens d'où? Je viens de Limoulou. Aujourd'hui, le vendredi 12 juillet 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions, s'il vous plaît, les embarras familiaux. S'il vous plaît. Les embarras, s'il vous plaît, ne parlez plus. Taisez-vous. C'est le temps de l'innocence et croyez-moi, il y en a. D'origine celtique, Marguet est née à Paris. Elle grandit dans un univers musical. Sa mère chante et s'accompagne au piano. Son père joue de l'harmonica. Elle fait presque le tour du monde européen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, elle ne venait pas vous dire pour dire qu'elle a vu tout ce qui était européen dans l'ensemble. Et ensemble, nous allons l'écouter, s'il vous plaît. Mais pas maintenant. Non, dans quelques minutes, merci. De retour à Paris, Marguet approfondit le chant. Ah, ça, c'est après avoir visité l'Europe. Le chant et puis rencontre des artistes variés. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus exceptionnels. Un voyage chargé. Et nous commençons déjà à... Oui, on décharge en arrière, madame. Est-ce que c'est là? Commencez, puis on verra. Thank you. يحب الحرية. Chose qui fait que je suis à côté, on m'oublie, il y a toujours des choses comme ça. Et à côté de ça, je fais des rencontres magnifiques. C'est merveilleux. Mais oui, mais quand on vous oublie, vous avez les boules. Oui, mais c'est... Je me souviens ce concours de chant, je pleurais parce qu'on m'avait même pas. Et tout le monde me disait, mais Margaïte, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as chanté, mais t'étais super, mais tu vas pas pleurer devant des cons pareils qui t'ont oublié. Ben oui, mais quand même. Non, mais c'est toujours, comme je vous disais tout à l'heure, avec le recul, on se rend compte que c'est fabuleux, mais quand on le vit, c'est certainement mais que mais voilà, on est déchiré. Oui, ben oui, absolument. Écoutez, lorsque je vous ai diffusé à 3 reprises à mon émission, j'ai eu des retours incroyables. Puisque vous faites vibrer avec la langue française de la musique de Piazzolla, ça donne une seconde vie et on peut s'y référer, on comprend le texte. Si on écoute une chanson en italien, on peut vibrer autrement. Quand on écoute Paolo Conte, c'est autre chose. Quand on écoute, alors donc vous mettez des mots d'une sensibilité extrême. Vous nous avez dévoilé votre vie en bride, bien sûr, pas l'intégrale. Et Dieu merci, ce sera dans votre livre. Mais les gens ont été touchés et je crois que vous êtes sincère et humaniste. Et je vous remercie infiniment d'avoir passé à mon émission. C'est super. C'est extraordinaire. Puis on se reverra à Paris ou au Québec. Avec grand plaisir. Si vous trouvez un tourneur ou quelqu'un qui... Déjà à Paris et puis en même temps, si je ne trouve pas, rien ne m'empêche de toute façon. Sac à dos. Maintenant, j'ai un CD. Sac à dos, oui. Et que je peux avoir les partitions sur une clé USB. Et voilà. Des musiciens là-bas et de dire 3-4, on improvise, on y va. Voilà. Il y a des belles salles au Québec pour 200-300 places, 100-150, même des restaurants qui aiment offrir des spectacles pendant que les gens mangent. C'est fabuleux, ça donne une atmosphère assez extraordinaire. Donc peut-être là, peut-être un peu partout sur la planète. Et voilà. Donc si vous trouvez aussi, si on vous dit, ça m'intéresserait que cette femme, elle passe. Oui. Et on a par le biais des mails aujourd'hui. Internet, c'est incroyable. Oui. C'est un super outil. Donc on peut se dire, pourquoi pas, trouver quelques dates. J'ai un ancien de mes élèves qui habite au Canada maintenant, il s'appelle Wade. W-E-T-E. Au Canada, quel endroit? Mais je crois que c'est à Montréal. OK, c'est un Québécois. Ah ouais? OK. Wet, il s'appelle, et je crois qu'il vit là-bas. Il fait de la musique un peu reggae, tout ça. OK. Donc, il peut y avoir des possibilités. En tout cas, sachez que... Rien n'est fermé. Rien n'est fermé, absolument. Rien n'est fermé. Merci de votre passage. Eh bien, merci à vous, et Ménage. Comme je dis souvent, je termine avec ce mot, tourlou. Et mon mot, c'est à la revoyure. À la revoyure, oui. C'est beau, connais, à la revoyure. Oui, à la revoyure. Alors, peut-être au Québec ou ici en spectacle à Paris. Avec plaisir. Bye-bye. Avec plaisir. Bye-bye. هذه الخصام شيخ ديم السمان هذه الخصام صرات درعام جا جميلة كاين بزاف اللي حياتهم تكمل في الكاف جميلة كاين بزاف اللي حياتهم تكمل في الكاف Réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujoux. Oh. bijoux, bijoux. Y a des feux rouges partout. Et puis au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Bijoux, bijoux, pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts. Oh, oh, oh. Bijoux, bijoux. Bijoux, bijoux. Te réveille pas surtout. Pourrais pas dire au revoir ce matin, j'ai pas le bon bout. Putain, ce que t'as été belle quand tu te mettais à genoux. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne, c'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne. Sur trois temps de valse lointaine, il semble que des ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre a dû croiser la mienne. Non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis seule et puis j'aime être libre. Oh que j'aime cet exil à Vienne sans toi. Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loge. Dans ma chambre tombent des pourpres et d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau, à travers les persiennes, je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits. C'est beau, Vienne, c'est beau, Vienne. Cela va faire une semaine, déjà. Que je vis seule à Vienne. C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir nos amis de l'Untachimo. Cela va faire une semaine. Ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé, mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans toi. Moi, moi, je me promène. Je suis bien, je suis bien. Je suis bien, si bien. Et puis de semaine en semaine, voilà que je vis seule à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, mais quand même, pour qu'il est long l'automne à Vienne. En ce lieu de place où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Que c'est long Vienne, que c'est loin Vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, chérie, c'est qu'il faut que tu viennes. J'étais partie, pardonne-moi, notre ciel devenait si lourd. Mais toi, de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Il est minuit ce soir à Vienne, mon amour, il faut que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne, mais il est si beau l'automne, mais je veux le vivre avec toi. C'est bon, Vienne. Avec toi, Vienne. Je me réveille avec entrain. Je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, y'a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je tonne, j'habite au Han, la rue des douches. Y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: égrouille-toi, donne-moi du nougat. Égrouille-toi, donne-moi du nougat. Je dis: je vais vous en chercher. C'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit: alors t'as fait quoi? Ben je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter Lima. Elle me fait: je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Ah, elle m'a donné à boire. Mais surtout, elle m'a donné à voir. J'ai observé les raisins de la colère. J'ai jamais vu ça, moi. Oh, candidement. Comment? Candidement. Candide. Oui, candide. Qui dit quand... Que dit Candide? C'est très beau, les sentiers du ruisseau, mais ils sont perdus vers la côte nord. Non, non, mais les sentiers de raisin. Ah, mon Dieu, ils se sont splouchés. Splouchés dans... Dans une cuve? Oui. Pendant 10 ans? Oui. Tranquillement? Oui. Ils ont remué leur popotin. Oh! De popotin, en diablotin, alors je te le jure, je te ferai boire ce sang diabolique qui réplique de trames en trames, de corps en corps, jamais je te le jure. Tu te rappelleras de ce corps. Ceci est ce corps, priez pour nous. J'aimerais bien, je vous en prie. Oui, on priez pour nous. Non, non, je vous en prie. On va prier. Non, non, non, non, non, ne priez pas, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais je m'en vais, je me change. Pas dans le bois, pas dans l'eau, c'est pas mieux dans un motel quelque part à Saint-Adèle. C'est un gros péché motel quand on touche aux demoiselles, puis en plus, ben, les moustiques, ça pique. Cache ton cul, Frédéric, Frédéric, Frédéric, Frédéric, Frédéric, Frédéric, Frédéric. Dans mon costume d'Adam en amoureuse, me disait toutes sortes d'affaires. Parle, parle, jase, jase. Comme pendant la tourne de l'éveillé, on se foutait du monde entier. Ma blonde pis moi, ma blonde était pas blonde, elle était noire foncée. On va arrêter là. Non, vas-y, ben, je peux pas. Lise Payet a combattu. Simone de Beauvoir, de Beauvoir. Pouh, ça sonne, c'est la bouilloire. Non, non. De temps de Beauvoir, de Beauvoir, non, de Beauvoir. Je bois de l'eau au lit. Je bois au lit de l'eau. L'eau au lit, c'est pas ça. Ça. Jean-Paul Sartre? Oui! On le sait, c'est Jean-Paul Sartre. Sa femme, c'est... Simone de Beauvoir. De qui? De Beauvoir. De Beauvoir. Oh, de Beauvoir. C'est très bien. La comédie de Beauvoir à sa place ce soir. Cette nuit. Parce que ça, c'est Madame Tremblay, ce n'est plus le soir, c'est la nuit. Comment peut-on distinguer le soir de la nuit du matin au jour, du jour? Mais c'est très facile. Le matin, c'est avant midi. Le midi, c'est après-midi. Le soir, bien, ça commence à devenir confus. Quand la noirceur apparaît, la confusion s'exprime. La déprime aussi pour certaines personnes. Donc, on peut évaluer, et là, c'est de mon fond intellectuel. Ah, mon Dieu, il n'y en a pas. C'est vrai, c'est le plancher de remous. Ah, que de mots, saillons. Mais selon moi, là, le soir... C'est 18 heures. La nuit, c'est minuit. Et quand on dit bon matin, c'est la chanson du tronc. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris. Matin, non, c'est Paris s'éveille, Paris. S'éveille les turlutans, viennent régérer, les frigidaires viennent digérer, ben oui, tu sors, mon champion, 3 quarts de livre le soir, le matin, ça digère pas à peu près. Si tu les oublies, eux t'oublieront pas. Commence à propager la senteur, commence à propager l'aigle moqueur, parce que ils m'ont oublié. Et c'est ça, c'est un rire d'aigle moqueur. Selon moi, c'est un gremlin. Un gremlin? Ça n'existe point, le gremlin. Ça a été inventé par Steve Spurs. Qui? Steve Spurs. connais pas Sylvestre Prépuce. Ben oui, non, Sylvestre Prépuce. Prépuce. Ah oui, Sylvestre Prépuce, le petit Prépuce. Le petit Prépuce. Oui, non, non, Sylvestre Prépuce. Ah, le grand réalisateur. La grandeur est relative au quotient intellectuel de la personne qui regarde le film. Kubrick, pour moi, c'est un génie. Spielberg, c'est un amuseur pour prépubère. Quand on parle de Bergman, alors, pour les adultes libérés de toute abstraction intellectuelle, Godard, ben, c'est la plénitude intellectuelle. Irénal Gagné, ben, c'est pas du cinéma, c'est de la radio. Comme la radio. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles » que je tiens ici dans ma main. C'est comme une Bible, aussi épais qu'une Bible, mais lui est moins. Et moins. Et moins quoi? Et moins, et moins, et moins, et moins, et moi, et moi. 2 millions de sandales. Et moi, et moi, et moi. Moi, c'est pas des sandales, moi, j'ai fait, moi, je suis gagné. Moi, c'est des mocassins. Des mocassins? Oui. Ah, on a des fourmis. Moi, j'ai cueilli des fourmis. J'ai cueilli des fourmis au creux de mon champ. Là, je leur ai dit, allez-y maintenant. Cherchez l'évacuation précoce. Sans évacuation, il n'y a pas de mocassins en excrément de fourmis. Alors donc, après la fourmi, le printemps, après le printemps, la cigale, politique. Ça, c'est Bukowski, page 549, 48, 47, 46, 45, 43, 42. Oh, le cas, là, on les connaît. À l'époque, enlève-moi l'écho, merci. À l'époque de Los Angeles, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, je posais aux nazis. Je posais! Oh, j'ai perdu la page pour dire le titre. C'est pas grave. Ah, 250, quoi? Ah, c'est pas grave. Je posais! Des photos louches. J'ai pas demandé à Claude. J'ai Claude, reste intouchable, mon Claude. Un homme est un homme, une femme est une femme. Itinéraire d'un enfant prépé, pépé, pépé, pépé, eux autres ne sont pas pépé, les pépé, pépé, pépé. Belmondo est plus pépé que les autres. Il a passé un beau moment, lui, de cinéma. Une dure réalité de santé. Il a fait un CAV. Sur son CV, j'ai vu qu'il a eu une atteinte cérébro-musculaire. Il reste encore extrêmement intéressant, puisque on l'a proclamé, on l'a fêté. Il a eu quoi? 80 ans. Et là, je me disais, pour les gens qui ont 30, 40, 50 ans, là, une projection à 80 ans, quand même intéressant de se la faire, celle-là. Que serons-nous à cet âge? Lui, malgré tout, est resté présent, vivant, autonome, brillant, actif et n'a jamais abandonné. Je sais pas, moi, tu sais, à 43, on dit, oh, je suis plus capable. Je l'ai pas, je l'ai plus. Tu te compares à d'autres, puis tu te consoles. Belmondo qui faisait ses propres cascades. Il est venu à Montréal faire le film Hold Up. Hold Up. C'est qui ça? C'est un shampoing? Non, non, c'est pas un shampoing. Hold Up. Vol à main armée. Ah oh, oui! Le clown! Le clown. Le clown, c'est un instant sympathique. Un nez rouge qui rit dans le public. Le nez rouge, c'est un instant de magie. Le clown, c'est un enfant qui rougit. sans doute que quand on se regarde dans le miroir, on se dit « Ouais, ça va bien ce soir, là. Je suis prêt pour aller dans une soirée olé, olé, là. » Non, mais j'ai un cheveu un peu bigarré. J'ai un regard un peu... qui réverbère quoi? Qui réverbère ma pensée. Ah, mon Dieu, il n'y a pas grand-chose. Ah, non, non, j'ai un regard avide. Et je me dis que si on m'examine, on dira qu'il n'a rien à dire. Il est vide de tout soupçon. Ah, ben oui, c'est un innocent, mais monsieur, ça va tomber entre deux chaises. Ben oui, ça tombe entre deux chaises, les innocents. Tout le monde le sait. Son équipe aussi. Mais eux autres sont brillants. Ils sont. Alors, tout à l'heure, j'ai dévié quand on est parti. J'étais en train de vous raconter que je devais préparer un concert pour un danseur. Oui. Et que après la répétition avec le guitariste, il me reste une petite demi-heure, une heure, et je vais voir Carla Pugliese. Et après, je suis partie sur Carla Pugliese. Alors, il faut se dire que en faisant connaissance avec Carla Pugliese, forcément, je fais connaissance aussi avec le patron du bistrot, avec lequel on sympathise. Je fais quelques photos. Et je viens lui apporter les photos 2-3 jours après. Et pendant ce temps-là, je téléphone au guitariste en lui disant bah, « Le concert qu'on fait est annulé à cause de la pluie. » Et le patron du bistrot entend que mon concert est annulé Et après ça, il me dit, mais si tu veux, mercredi, la salle est libre, tu peux faire un concert. Alors moi, je le regarde, puis je me dis que le lendemain, jeudi, je pars. Au bout de 5 semaines que je suis à Buenos Aires, je pars le lendemain. Je me dis, c'est de la folie. En même temps, vous avez envie de dire oui, parce que c'est là, tout de suite, maintenant. Et puis en même temps, je me dis, mais c'est de la folie, quoi. Alors je lui dis, bon, ok, je te donne ma réponse dans une heure ou deux. Je téléphone à une copine, elle me dit, mais oui, Margaï, dis oui, dis oui, dis oui. Until you bring back that little girl of mine. And I can't let her go. Try to tell me to stop crying. Find me someone new. Cause when the good Lord made one woman, hallelujah, don't you know he made two? But I can't let this one go. Just don't wanna see, but I can't let her go. I can't. les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai sorti un petit boutin avec le grand Jean Montferrin. On a parlé du vent, de la pluie, puis du beau temps. Puis j'ai dit, Joe, dis-moi comment que t'es devenu aussi grand. Que t'es devenu un géant. Il dit, ben, que j'ai le bord du cadiaman. Les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai sorti un petit boutin avec l'eau, puis dire maman. L'autre jour m'a dit mon petit garçon, mais si t'as pas mettre ta leçon, tu viendras que ça sent pas lent à faire des bois de 100 pieds de long. J'ai dit Joe, faut que ça décolle, parce que je viens de sortir d'école, puis que par ici, pour ces 20 ans, on est grillé pour perdre son temps. Mais t'es grillé pour perdre ton temps, le cul, j'ai le bord du diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai changé un petit bouton avec le grand chaud, mon ferrant. Puis dis, si tu veux faire un vrai géant, va boire même dans la rivière, assis-toi sur les montagnes, et puis lave-toi dans l'océan, essuie-toi avec le vent, éclaire-toi avec la lune, dors les pieds sur le bord de la dune, et puis la tête au bout du champ. Et puis la tête au bout du champ, le cul sur le bord du cadiaman, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent, super sûr de premier plan pour te donner de l'entrejambe. Bien beau jour, tu sentiras en dessous tes pieds tourner la terre. Et puis tu comprendras le chinois aussi bien que la reine d'Angleterre. Tu sauras fermer ta gueule, t'arrêteras de faire des sparages pour écouter les nuages. Mais là, tigo, tu seras tout seul. Mais là, tigo, tu seras tout seul. Tout seul, le cul sur le bord du cacama, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. C'est pas fameux pour faire de l'argent, mais c'est bien bon pour perdre son temps. J'ai jamais revu de Joe Montferrin, mais j'ai suivi sa petite idée. Puis quand j'ai voulu m'arrêter, j'avais déjà l'âme d'un géant. Je suis remonté sur le cap diamant pour raconter mon histoire, rester là à la nuit noire, à parler dans l'air du temps, puis à parler pour l'air du temps. Les pieds sur le bord du cap diamant, le cul dans l'eau du Saint-Laurent, c'est pas fameux pour les cancans, puis pour bien dire c'est fatigant. Autant vous dire la vérité, j'ai pas grandi d'un sacré pouce, en seulement le diable me pousse. Quand je m'arrête de turluter, je reviens un petit portail, je mets la ville dans la campagne. Petit Jean prend son violon, que la province trousse son jupon, que ma province trousse son jupon. Le cul sur le bord du cadiaman, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent, j'ai sorti un petit bouton avec ma chute, on verra. What's up with that? No holding back. I think I'm gonna have me a rap attack. Ain't nothing if you wanna shout. It's a party, so baby, let's turn it up. I'm down, let's groove. Get down, come on and move. Get on the one, don't do the show. Cause baby, this ain't no joke. It's no surprise, I can't compromise. The man is a legend in his own time. He'll shake you up and rock you down. There's never been another like him around. He's master, a grandmaster. Gansberg is the best. Look out, Michael Jackson, he's back in action. He's down and he's under arrest. Ha! Quelques punks aussi bronze cubite, giclant de mon Iowa. You're under arrest, cause you're the best. Slipping the slam, a boom bam, Gansberg. Yeah, man. You're under arrest, come on, cause you're the best. Slipping the slam, a boom bam, Gansberg. Je dis et je redis donc, que trop tard du monde, je vais chercher. Surge, sprint de gorille du Bronx. Il est évident donc que c'était mal barré pour moi. You're under arrest, cause you're the best. Stupidest lamb, boom, bam, can't burn. You're under arrest, you're the best. Slippity slam, bam, ba boom, bam, again, again, to the bird. C'était deux polices blacks qui pratiquaient le slang ainsi que le colt Cobra. Une plaque au mur du Bronx et je défie quiconque dans ce cas pas avoir les fois. Ha, ha, ha, you're in the red, you're the best. Ces gens qui manquaient me dit give me your money. Qu'est-ce que t'aurais fait toi, hein? Je me relâche ainsi donc que j'enfonce dans le Bronx retrouver Samantha. You're under arrest, cause you're the best. Come on. welcome David Grisman and Jerry Garcia. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Set out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, babe. He loaned me 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Set out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Down to the levee, but the devil caught me there. Took my $20 bill and vanished in the air. Set out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Why I cried a wage lonely night. First one's name, Sweet Anne Marie. She's my heart's delight. Second one is prison babe. Sheriff's on my trail. If he catches up with me, you know I'll spend my life in jail. Say she got my child, but it don't look like me. Sit out running, but I take my time. Friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. je dis, bon bah ok, j'accepte. Et je partais le lendemain. Donc au pied levé, je téléphone à tous les gens que je connaissais, de Buenos Aires et puis des Français. Donc on était une bonne tablée d'une douzaine. Et j'ai fait un concert donc, avec le piano, sur le même sur lequel avait joué Carla Pugliese, avec les bougies allumées, et j'ai fait mon hommage à Piazzolla. Donc, sur la terre de Piazzolla, passage Carlos Gardel. Comment vous avez... Ah, en présentant les morceaux, je parlais franglais espagnol, ouais. Donc je m'en foutais. Les gens comprenaient ce qu'ils avaient envie d'en comprendre. Non, mais... Oui, mais comment vous vous sentiez? Mais je me sentais mais complètement émue. Émue même aux larmes, parce que c'était incroyable de pouvoir être là, de faire ce concert. Et alors, petite parenthèse très importante, le matin même, j'avais le trouillomètre à zéro. Je me suis dit, mais qui suis-je pour faire un concert de la musique de Piazzolla en Argentine, comme ça est-ce que je le mérite? Le manque de confiance, hein, toujours point d'interrogation. D'un seul coup, je mets la télé. C'était le matin, je mets la télé, chose que je faisais jamais. À la télé, il y a quoi? Il y a l'émission de Sophie Davant qui s'appelle Télématin, je crois. Et au moment où je mets Télématin, il parle d'une chanteuse qui chante Edith Piaf à Londres. Et ils sont en train de parler de ça. Puis moi, j'écoute sans écouter, je m'habille, je me prépare. Et il se trouve que cette chanteuse est argentine et elle présente Edith Piaf à Londres. grand pavillon, grand escalier, tenue de soirée exigée. Au-dessus de la porte, il y a un blason. Dans le salon, des nœuds papillons. Je connais personne, je serre une main. Je pose pas de questions, je reste dans un coin. Masque souriant, protocolaire. Chanteur de charme, musique légère. Collier de perles, gros médaillon. Ils admirent le parc. Sur une fresque grandiose peinte au plafond, un ange loup-cunuque tire à l'arc. Des courtoisies sur le velours qui parlent du monde et des petits fous. Des politesses toutes exquises qui s'abattent sur les friandises. Cocktail party dans la bonne société. Cocktail garni, sucré, salé. Cocktail de fruits dévergondés. Cocktail mondain, loin du besoin. Foulard en soie sur décolleté. Dans les fauteuils galons brodés. Scott Fitzgerald sur un calepin. Mannequin lascif qui ne disent rien. Un type s'approche, me demande l'heure. Sais-tu que je suis ambassadeur? Sais-tu que j'ai besoin d'un secrétaire? Sais-tu que tu pourrais faire l'affaire? Un cocktail party dans la bonne société. Cocktail garni, sucré, salé. Cocktail de fruits dévergondés. Cocktail mondain, loin du besoin. Ils se rencontrent sur la terrasse. Viennent grands amis autour d'une tasse. Y'a une vieille amerloque fume cigarette, qui papouille un petit chien, qui pisse sur la moquette. Je me retrouve tout seul, accord mineur. J'écrase ma clope dans un pot de fleurs. Tu m'avais promis qu'on s'amuserait, mais je m'amuse plus. Alors je m'en vais, c'est cocktail party dans la bonne société. Cocktail garni, sucré, salé. Cocktail de fruits dévergondés. Cocktail mondain, loin du besoin. Elle tourne et se fout de nos misères. Elle tourne une Java chimérique. Elle tourne et c'est drôle, cette musique. Tu peux tourner, moi je m'en balance. C'est l'hirondelle qui fait le printemps en Amérique. Ou bien en France, l'amour, ça peut se faire en tournant. Le bon Dieu se marre dans son coin, c'est ce qu'on nomme le destin. Pourtant, les fleurs sont si jolies qu'on en ferait des folies. Tant que peut tourner la vie. Elle tourne et se nomme la terre. Elle tourne avec ses milliardaires. Elle tourne et ses yeux sont les nôtres. Elle tourne et ses larmes sont les vôtres. Tu peux tourner, moi je m'en balance. Les amants se font au printemps d'un brin de lilas, d'une romance. Le bonheur, ça peut se faire en tournant. Il y a quelquefois le désespoir qu'on rencontre dans un square. Pourtant, les filles sont si jolies que les gars font des folies. Tant que peut tourner la vie. Elle tourne et se nomme la terre. Elle tourne et se fout des frontières. Elle tourne et le soleil se fout d'elle. Elle tourne, pauvre toupie, sans ficelle. Tu peux tourner, moi je m'en balance. Tu ramèneras toujours le printemps. Tu peux tourner,

Your bone, just chopped it off on the cold. Est capable de présenter Edith Piaf à Londres, ben je peux bien. Exactement. Et c'était mon passeport pour avoir, pour me sentir bien, pour avoir. Sécurisé, vous étiez sécurisé. Voilà. Et j'ai fait mon concert comme ça. Et je me suis dit, ça, c'est un incroyable clin d'œil. Je ne mettais jamais la télé. Ce matin-là, je mets une chanteuse. Et les gens, comment ils ont accueilli votre spectacle? Ils étaient émus. Hyper émus. Hyper émus. Qu'une Française chante du Piazzolla. En français? Mais oui. Et vous racontiez un peu les histoires avant la chanson? Ben, est-ce qu'on vous traduisait, non? Oui, j'essayais un petit peu, mais c'était très succinct. Okay. Aujourd'hui, quand je fais l'hommage avec cet album, je raconte davantage les histoires. Mais là, je racontais dans toute mon émotion, ça sortait du chapeau. Ça sortait du chapeau. On sentait aussi l'émotion, on sentait toute la l'effervescence, le stress. Ah oui. Ah ben c'est une très belle anecdote. Ah oui, oui, je voulais absolument. Quand j'y ai repensé, je me suis dit, mince, il faut le dire. Je ferai montage, je vous en pose. Et oui, parce que c'était hyper important, parce que je me disais, mais qui suis-je d'un seul coup? Et paf! C'est le fait que j'apporte les photos à ce monsieur Del Morocho de la Raval. En plus, j'assiste, quand j'apporte les photos, j'assiste aussi à une répétition de la mère, Bibi, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, la mère de Carla Pugliese, qui répétait là aussi. Enfin bon, ça a été une histoire de dingue. C'est incroyable. Donc, une histoire de dingue. Là-dessus, j'ai la copine. La copine avec laquelle je devais partir danser, quand elle me dit, mais pourquoi t'es pas venue danser, je lui raconte l'histoire. Mais elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas prévenue? Mais j'ai dit, mais comment veux-tu que je te prévienne? Tout s'est fait comme ça. On était prévu. Mais non. Et je dis, on peut pas. C'est ce qui fait aussi la chance. La magie. La vivacité. Oui. Mais oui, là, j'ai compris qu'au moment où j'étais là à écouter le concert de Carla, bah, je ne pouvais surtout pas partir pour dire, bah, faut que j'aille danser. Faut que j'appelle pour. Bien sûr, c'était la magie de l'instant. Vous êtes là, bah, vous vivez l'instant présent, l'instant. C'est du spectacle vivant. Si on est là, on le prend. Si on n'est pas là, ben. Voilà, voilà. Alors, je suis contente de raconter cette anecdote. Mon passeport pour chanter le Piazzolla sur son territoire, ben, j'avais eu le passeport parce que dans une émission... Ah oui, oui, vous avez entendu... Voilà, et en plus, c'était même pas l'horaire à laquelle Sophie Davant passe ici à Paris, c'était un autre horaire. Ah, oui, mais oui, oui. Pourquoi avec le miracle... TV5, sans doute. Avec TV5. Peut-être, je m'en fous, je ne regardais pas la télé. Mais pourquoi, à ce moment-là précis, j'entends ça? Une Argentine qui chante du Piaf. Bah, une Française pouvait chanter du Piaf. Voilà, c'était la magie. Ben voilà. Ben, toute ma vie, c'est comme ça. Ben, c'est fabuleux. C'est des instants magiques. C'est, voilà. À part ça, c'est le bordel. Et ça continue. Ben oui. Notre rencontre en fait partie. Et oui. Internet. Voilà. Je suis Maria. Soy yo, María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy lo sabrán las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa haré caer. Yo soy María de Buenos Aires. Más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tata, me muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Che. Como un ratón en mi trampa jadeca. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María. Yo soy mi ciudad. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires. Soy yo. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.